mâle dominant. Il réfléchit avec ses couilles, il est sportif de temps en temps, et sa gonzesse en a la trouille. Il est con le mâle dominant, c'est lui le plus fort, c'est lui le plus beau. Casquette tricard, berger allemand, il cogne sa femme et ses marmots. Surtout quand ils sont dominés, ils sont dangereux, ils sont méchants, il faudrait tous les faire piquer. Il est con le mâle dominant, il vote Le Pen, cet enfoiré. C'est un raciste, un fascisant, il veut flinguer les immigrés. Mâle dominant, surtout quand il est dominé, il est dangereux, il est méchant, il faudrait peut-être le faire castrer. Ce sont des cons les dominants, surtout quand ils sont dominés, ils sont dangereux, ils sont méchants, il faudrait peut-être les faire piquer. Mâle dominant, faudrait pas le prendre pour un pédé. Rien dans la tronche évidemment, un jour sa femme elle l'a buté. Il était con le mâle dominant, un coup de fusil dans sa sale gueule. Sa femme elle a tiré 7 ans, prix à payer quand on est seul. Surtout quand ils sont dominés, ils sont dangereux, ils sont méchants, il faudrait peut-être les faire piquer. Il est mort le mâle dominant, sa femme elle est sortie du shtar. Une femme battue évidemment, mais nous maintenant on est peinards. Ce sont des cons les dominants, surtout quand ils sont dominés. Ils sont dangereux, ils sont méchants, il faudrait tous les faire castrer. Ce sont des cons les dominants, surtout quand ils sont dominés. Ils sont dangereux, ils sont méchants, il faudrait tous les faire piquer.